55 minutes. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 décembre 2022. Voici les grands titres. Le manioc a été attaqué par des maladies dans la province de Bujumbura, raison pour laquelle l'Institut des sciences agronomiques du Burundi compte offrir des boutures de manioc améliorées au bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement. Une femme habitant de la colline Rutumo en commune et province Rumonge est sous les verrous. Elle est poursuivie pour avoir infligé une punition disproportionnée à son enfant de 3 ans. Vous l'entendrez. En actualité de la République démocratique du Congo, une vingtaine de membres de la chorale Upendo de l'église Kyavinyonge se sont noyés dans le lac Édouard ce vendredi matin. Ils étaient en déplacement pour une mission évangélique et dans la chronique environnement, un professeur d'université nous parlera de l'importance des espaces verts. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. L'Institut des sciences agronomiques du Burundi compte offrir des boutures de manioc améliorées au bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement de Bujumbura dans le but de lutter contre les maladies qui ont attaqué cette plante. Annonce du directeur de ce bureau après les lamentations de certains agriculteurs. Daniel Mazarahisha demande aux cultivateurs d'éviter de partager des boutures contaminées. Suivez-le. Il s'agit de la striure brune du manioc. Les symptômes de cette maladie, il s'agit premièrement des taches caractéristiques ou des bandes caractéristiques jaunes qui se manifestent sur les feuilles au niveau des nervures qui par la suite se rejoignent pour former de larges taches. Le deuxième symptôme le plus courant qui marque même la maladie, c'est la pourriture des tubercules ou des racines de cette culture de manioc. Je dirais que c'est une maladie très grave qui cause des pertes économiques très importantes, qui peut même réduire la production du manioc à 0%. Donc c'est une menace à la sécurité alimentaire. Pour lutter contre cette maladie, je conseillerais aux agriculteurs de bien utiliser les boutures de manioc pour la plantation qui viennent des champs de manioc indemnes de cette maladie, détruire les plants malades. Il faudrait également éviter l'échange de boutures de manioc à l'intérieur de la commune ou de la province pour limiter la propagation de cette maladie. Je dirais qu'il y a une lueur d'espoir parce que au niveau de l'Isabou, on vient de nous signaler qu'il y a des variétés de manioc qui résistent à la fois à la striure brune et à la mosaïque. Je vais tout de suite contacter cette institution pour qu'elle puisse mettre à notre disposition ces variétés afin qu'elles soient multipliées et distribuées aux agriculteurs pour encore donner l'espoir à l'augmentation de la production de cette culture de manioc qui est importante dans la localité de Bujumbura. Et quant à la maladie des bananeraies, cette autorité conseille aux cultivateurs de ne pas couper les feuilles de bananes et les bananeraies avec différents objets dont la machette sans que ces derniers ne soient stérilisés. Encore une fois, Daniel Mazarahisha. Concernant la maladie du bananier, il s'agit du flétrissement bactérien qui a comme symptôme des séchements de l'inflorescence mâle, mûrissement précoce de la banane, des brûlures au niveau des feuilles quand le bananier est encore jeune, un liquide qui est jaunâtre qui apparaît après la coupe du pseudotron du bananier. Cette maladie est propagée par des insectes, notamment les abeilles, quand elles viennent sucer au niveau de l'inflorescence. Fluorescence mâle, quand les six une fluorescence mâle qui est infectée et après elle vient sucer une autre fluorescence mâle encore indemne de maladie, cette dernière est infectée par les microbes ou la bactérie et après ce bananier va manifester des symptômes de la maladie. La maladie est également propagée par le matériel agricole qu'on utilise, notamment les machettes, les couteaux, les roues, etc. La maladie est également propagée par des rejets malades. Les animaux également peuvent propager la maladie. Je conseillerais aux agriculteurs de la localité d'enlever précocement l'inflorescence mâle à l'aide de un arbre fourchu. C'était Daniel Mazarahisha, il est directeur du bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement en province de Bujumbura. Il est 13h01 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains représentants des confessions religieuses au Burundi sont préoccupés par la lenteur observée dans l'octroi des documents de voyage dans une réunion tenue à leur intention ce jeudi. Martin Niteretse, le ministre en charge de l'Intérieur, a promis l'augmentation de ces documents. Reportage Jean Dodieu Irakodze. Dans cette réunion, des documents de voyage délivrés par les services d'émigration ont retenu l'attention de certains représentants des confessions religieuses, une question du moment qui hante, selon ce responsable religieux, les demandeurs de ces documents. Ma question est relative aux documents de voyage, passeport, laissez passer, carte CPGR. Les demandeurs paient pour ces documents, mais ils sont obligés d'attendre ces documents pendant une longue période. Ils se lamentent beaucoup face à cette situation. Comme cela relève de vos fonctions, nous voudrions vous demander de voir comment résoudre cette question. Pour le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, un projet d'augmentation de ces documents existe, notamment de nouveaux livrets déjà commandés. Nous faisons face à un problème de livret et les demandeurs de ces documents se sont multipliés par 20. Nous avions importé 50 000 livrets, lesquels étaient écoulés en 6 mois. En prévision, nous pensions qu'ils allaient durer 2 ans. Nous avons déjà commandé 50 000 autres livrets et nous allons bientôt effectuer une autre commande de 100 000 livrets. Nous voulons également diversifier nos fournisseurs et les doubler avec d'autres pour voir comment alléger les souffrances des demandeurs. D'après cette autorité ministérielle, l'augmentation de ces documents de voyage contribuera en outre à la lutte contre la corruption au sein des services habilités à l'octroi de ces documents. Merci Jean Dodieu. Une femme habitant la colline Rutumo en commune provinciale Rumonge dans la main de la police de la commune Bugarama voisine depuis ce mercredi. Il est accusé d'avoir brûlé à l'eau bouillante les doigts de son enfant de 3 ans pour avoir mangé lui seul tout le repas du dîner familial. Les défenseurs des droits des enfants à Rumonge qui suivent de près ce dossier demandent la justice à la victime sans violer ses droits. Jean-Pierre Misago. Cette femme a été arrêtée quand elle fréquentait le petit marché situé sur la colline Magara 2, voisine de Rutumo, où elle habitait. Des sources sur place à Magara indiquent que des femmes, parmi lesquelles des défenseurs des droits des enfants qui fréquentaient elles aussi ce marché, ont vu cette femme tenant dans les mains un petit garçon de 3 ans avec des doigts présentant des brûlures. Quand elles ont voulu savoir ce qui s'était passé et pourquoi, ce petit garçon répondra que c'est sa mère pour du riz. Cette femme a été immédiatement conduite à la police avec son fils pour la poursuite des enquêtes judiciaires. Et Frédéric Singhivakira, chef collinaire de Rutumo, dit en avoir été mis au courant à ce stade. Certains des défenseurs des droits des enfants à Magara disent avoir appris par après que cet enfant avait été brûlé à l'eau bouillante après avoir consommé lui seul tout le quart de kilo de riz préparé pour le dîner familial le 12 décembre 2022, et sa mère, présumée auteure de cette infraction, en a gardé top secret. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, antenne provinciale d'Ormongue, l'on dénonce cet acte et demande à la justice de faire son travail tout en préservant les droits de la victime. De son côté, Frédéric Singhivakira rappelle à ses administrés que le respect des droits des enfants est une affaire de tous et quiconque les viole doit être poursuivi à la justice. Par ailleurs, tout cas anormal doit être rapporté à temps pour une probable intervention dans le plus bref délai, poursuit ce chef collinaire. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Missago, il est interdit à tout usager de la voie publique de dégrader cette dernière, d'enlever, de déplacer, de détériorer, de renverser ou de détruire les bornes, signaux, poteaux ou tous autres ouvrages qu'elle comporte. Cela ressort de l'article 407 du Code de la route du Burundi, mis en vigueur en 2012. L'article 339 stipule que l'arrêt des véhicules est strictement interdit au milieu de la chaussée. La lecture de ce Code de la route avec Ornella Mouche. À l'article 190 du code routier, la conduite en état d'ivresse est strictement interdite. La personne dont le permis a été retiré pour des raisons d'ivresse chronique doit en obtenir la restitution par des services compétents du ministère en charge de la police nationale si elle démontre qu'elle n'est plus sous l'emprise de l'alcool et que l'état éthylique dans lequel se trouvait son organisme a durablement cessé. La rechute avérée entraîne le retrait définitif du permis de conduire. À l'article 204 de ce même code, le conducteur de tout véhicule ne peut recevoir ou transmettre une communication par téléphonie mobile qu'après avoir complètement à l'arrêt le véhicule qu'il conduit. À propos de l'excès de vitesse, à l'article 199, tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par les dispositions des lieux, leur encombrement, le champ de visibilité, l'état de la route et du véhicule, de manière qu'elle ne puisse être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation. Aucun conducteur ne peut dépasser 100 km par heure en rase campagne et 50 km par heure dans les agglomérations urbaines ou autres lieux où se trouve occasionnellement ou habituellement une concentration de personnes, de bétail ou d'autres attroupements. Et quant aux véhicules exploitant le transport rémunéré de personnes, ils ne peuvent dépasser la vitesse de 40 km par heure en zone urbaine et 70 km par heure en zone interurbaine. Toutefois, les véhicules de service de police, les véhicules de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs sonores ordinaires, en vue d'obtenir la priorité de passage lors de leur mission. Ornella Mucho. 50 vulnérables de 70 ans et plus de différentes collines de la province Ngozi ont reçu une aide composée de vivres, vêtements et autres d'une valeur de 100 000 francs burundais chacun de la part de la commune Ngozi. L'administrateur de cette commune, Joseph Martin Routchoumi, indique que cet acte est posé pour secourir ces vulnérables afin de mieux passer comme les autres ces fêtes de fin d'année. Apollinaire Muzagara. Ces 50 personnes âgées ont été choisies dans différentes collines composant la commune Ngozi à raison d'une personne très vulnérable par colline. Ils disent mener une très mauvaise vie actuellement, indiquant qu'ils sont plus capables de cultiver et que leurs enfants ont tous déjà fondé leur foyer. Chacun recevait 10 kilos de riz, du sucre, savon, des pannes, farine de bouillie et autres. Ils ont même reçu chacun une enveloppe de 10 000 francs bou, une aide d'une valeur de 100 000 francs bou chaque. L'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Buchumi, parle d'un soutien fait à ces vieux et vieux vulnérables afin de célébrer dans la joie les fêtes de Noël et de Nouvel. En vue de raccourcir la distance à parcourir, cette aide a été acheminée dans les zones d'origine de ses bénéficiaires. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, commençons par la République démocratique du Congo, où la chorale Upendo de l'église CBCA Kavinyonge s'est noyée sur le lac, dans le lac Édouard dans la matinée de ce vendredi 23 décembre 2022. Au total, 20 chantres étaient à bord d'une pirogue qui venait de Kavinyonge en direction de Kisaka pour une mission évangélique, selon certaines sources locales. Sur les 20 victimes de la noyade, 15 restent jusqu'à maintenant introuvables. Et le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako a eu lieu jeudi 22 décembre. Elle est arrivée ce jeudi pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois dans la capitale malienne. En présence du médiateur togolais, les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération de 46 militaires ivoiriens et le renforcement des relations entre les deux pays. Rappelons qu'au départ, les militaires ivoiriens arrêtés étaient au nombre de 49 et que dans un geste humanitaire, les trois femmes du groupe avaient été libérées. Et le Rwanda se classe au premier rang des pays à faible revenu ayant l'économie la plus innovante. Selon le dernier indice mondial de l'innovation, le Rwanda se classe au premier rang de son groupe de revenus devant Madagascar et l'Éthiopie et occupe la 9e place du groupe des pays d'Afrique subsaharienne. L'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les nations africaines les mieux classées, respectivement 45e, 61e et 67e. Alors que la Mauritanie, le Burundi et la Guinée sont les économies africaines les moins innovantes. Et sur les 26 pays les plus performants en matière d'innovation, 8 proviennent d'Afrique subsaharienne, le Kenya, le Rwanda et le Mozambique étant en tête. La Suisse, les États-Unis et la Suède sont en tête de l'indice d'innovation mondiale. Le chiffre d'affaires qui a augmenté de plus de 13 milliards au cours de l'année 2021 par rapport à l'année 2020 dans les compagnies d'assurance est l'un des exemples qui montre les performances des compagnies d'assurance au Burundi. Cela a été dit ce vendredi par le secrétaire général d'ARCA, l'agence de régulation et de contrôle des assurances, lors de la présentation des réalisations de l'année 2021. Joseph Boutoré a indiqué que le secteur des assurances est attractif du fait que d'autres compagnies ne cessent de naître et répondent aux problèmes de manque d'emploi. On l'écoute. D'abord, vous aurez constaté que la famille des assureurs s'est élargie, que ce soit côté assurance non-vie, que ce soit côté assurance vie, il y a eu de nouveaux venus, c'est-à-dire que le secteur est socio-économiquement attractif. Il y a de nouvelles compagnies qui sont nées côté assurance non-vie, il y a de nouvelles compagnies qui sont nées côté assurance vie. Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à 2020 de plus de 13 milliards. Ça dit ce que ça dit. Alors, le taux de pénétration, le Burundi vient de frôler la barre de 1%. On est à 1,01% et on a montré qu'il y a même certains pays de la sous-région qui sont un peu derrière nous. Et que même par rapport au meilleur succès mondial, aux meilleurs exemples mondiaux, la distance qui nous sépare, c'est vrai, elle est là, mais il y a lieu d'arriver aux résultats qui sont déjà atteints par les autres. Nous avons aussi montré que dans le secteur des assurances, il y a une augmentation par rapport à la création d'emplois. Donc, un autre élément qui pourrait aussi attirer votre attention, c'est les relations assureurs et assureurs. On a vu que les montants qui auparavant étaient cédés par les assureurs ou les assureurs continuent à baisser. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'encourager très sérieusement les compagnies à partager les risques, à privilégier la co-assurance au lieu de faire chaque fois recours aux réassureurs étrangers à qui on envoie de l'argent pour des choses qu'on peut réaliser à l'interne sur le marché local en privilégiant la bonne collaboration entre les compagnies d'assurance. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle de l'importance des espaces verts. Comme le témoigne un enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et spécialiste en environnement, et Sébastien Macharaoui, il précise que ces espèces contribuent à la protection de l'environnement. En outre, ils constituent des lieux de loisirs. Le professeur Macharaoui révèle qu'une étude faite là-dessus a montré que 80% des espèces d'arbres et d'herbes plantées en mairie de Bujumbura sont importées. Cette chronique environnement est signée Vestine Boutoui. Un espace vert désigne un urbanisme tout espace d'agrément végétalisé, engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornements. En mairie de Bujumbura, l'étude faite montre que la flore des espaces verts est constituée de 80% des espaces exotiques contre 20% indigènes. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus ces espaces diminuent. Selon un professeur à l'Université du Burundi et spécialiste en biodiversité, les terrains font partie des espaces verts. La notion d'espace vert appartient au vocabulaire de la planification urbaine et paysagère. Là, c'est au niveau de l'écologie du paysage. Dans les agglomérations urbaines, l'espace vert désigne des terrains non encore bâtis, végétalisés ou arborés, boisés ou agricoles. La protection de l'environnement est l'un des avantages qu'apporte l'aménagement des espaces verts, explique ce spécialiste en biodiversité. La prise de conscience de l'importance des espaces verts et des services écosystémiques qui lui rendent est primordial pour tout programme de leur protection en milieu urbain. Les espaces verts, éléments de la nature urbaine, sont avant tout un moyen d'accès pour la population à un lieu protégé et entretenu, consacré notamment à des fins récréatives ou décoratives. Les avantages sont liés aux services écosystémiques offerts par les espaces verts. Pour le cas des espaces verts dans la ville de Bujumbura, il y a lieu de citer la purification de l'air et de l'eau, la régulation du microclimat, le recyclage des déchets, le plaisir esthétique, la possibilité de loisirs et du bien-être physique et psychologique. Pour mieux protéger les espaces verts, il faut que les travaux d'aménagement urbain doivent accorder plus d'intérêt aux fonctionnalités écologiques relatives à la sauvegarde des services écosystémiques. Merci Vestine Boutoui, merci professeur Macharabou pour ces éclairages en ce qui concerne les espaces verts. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.